Bonjour, je suis Nijo et bienvenue sur Roux Chronicle. Cette petite mise au point durera quelques minutes, 5 minutes à tout casser. C'était juste pour tenir au courant avec un fichier audio. Donc déjà un grand merci au podcast Woo News d'avoir parlé de moi à son épisode numéro 59, je crois bien. Et aussi un énorme merci à Julien de Judd Heap qui m'a fait un énorme coup de pub. D'ailleurs, si vous m'écoutez, c'est sûrement grâce à son site. Donc merci beaucoup. Suite aux commentaires qu'il y a pu avoir justement sur Jodip, donc à des commentaires d'encouragement, déjà je vous remercie énormément pour les encouragements. Après, il y en a d'autres, des critiques, c'est pas des critiques constructives, c'est plutôt du, moi j'appelle ça du sabotage. Donc j'ai rien à vous dire. Donc voilà, sinon aux autres un grand merci. Voilà, donc juste pour le changement du podcast, ce sera l'aura des nouvelles rubriques. Donc la section musique sera plus là par contre. Section histoire sera toujours ici parce que c'est quand même l'intérêt du podcast. L'aura des nouvelles rubriques qui sera aux alentours du jeu WoW et de la communauté des joueurs. Déjà. Et ensuite, il y aura, suite au recrutement que j'ai fait, il y aura un nouvel animateur. Il est très sympathique, vous l'adorerez. Vous le rencontrerez dans l'épisode 3. Il fera une petite présentation de lui-même. Donc rendez-vous à l'épisode 3 pour découvrir ce nouveau personnage, entre guillemets. Voilà. Le recrutement, il est clos. On en a un peu parlé. Deux membres pour le début du podcast, c'est largement suffisant. Pour éventuellement un troisième membre, on a pensé à une touche féminine. Donc si tu es une fille, une femme, que tu écoutes le podcast, que comme j'ai dit les qualités sur le site, que tu as tout ça, tu peux m'envoyer un mail et on se fait une petite réunion à trois pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc pour les garçons, c'est fini. Pour les filles, tout commence. Donc voilà. À vous de tenter votre chance si vous êtes intéressé. Sinon, on commencera l'épisode 3 à 2, hein, là, pas de problème. Donc voilà. C'est fini normalement. J'ai parlé des rubriques, des animateurs. Donc voilà. Vous pouvez bien entendu vous inscrire sur le forum, qu'on discute un peu de tout. Vous pouvez lancer des sujets, là, pas de problème. Si vous trompez d'endroit, c'est pas grave, je déplace et tout, là, pas de problème. Donc inscrivez-vous au forum. Je vous remercie énormément pour vos mails, vraiment énormément de mails d'encouragement, donc merci beaucoup. C'est tout. Donc rendez-vous à l'épisode 3 qui sera sur l'épisode de l'histoire de Thrall. Et plein de nouvelles rubriques avec un nouvel animateur. Toutes de nouvelles surprises. Donc à bientôt dans le prochain épisode. Au revoir.